Ils ont un canapé lit pliant et une chambre pour les enfants quand ils viennent le week-end de temps en temps, mais jamais assez souvent. Ils ont vendu leur break Volvo pour s'acheter un petit coupé, persuadés que c'est pas dans ce veau qu'ils pourront choper une nouvelle gonzesse pour remplacer celle qui est partie en embarquant les meubles, la télé et les petits. Ils ont entendu leurs potes ne cessent de répéter une de perdue, dix de retrouvée. Mais les pères célibataires me dépriment plus que de raison. Un monument mis à terre et écrasé à coups de talons aiguilles, ou battu à coups de sac à main, les femmes bafouées le rendent bien. Canal parce qu'ils font rien de leur soirée. Pour la Ligue des Champions, les copains ont promis de passer. Mais c'est du pareil au même, s'ils viennent pas tant pis. Ça sera de bière, un porno et au lit. Ils sont aperçus qu'il en va des potes comme des CD. Quand madame part, elle en prend la moitié. Et les pères célibataires me dépriment plus que de raison. Monument mis à terre et écrasé à coups de talons aiguilles, battu à coups de sac à main, les femmes bafouées le rendent bien. Et poids qu'ils ont mis 10 ans à prendre, ils jettent leur vieux pull en laine et s'achètent des petits trucs tendance. Oh, ils voudraient avoir 10 ans de moins et encore un beau petit cul pour profiter à fond de leur liberté revenue. Mais cette liberté, ils savent pas quoi en foutre, ils attendent juste d'avoir les mômes au mois d'août. Oh, les pères célibataires me dépriment plus que de raison. Un monument mis à terre et écrasé à coups de talons aiguilles, battu à coups de sac à main, les hommes bafoués n'ont plus rien.